Vos oreilles sont-elles prêtes pour un peu de nouveauté? Le poste d'écoute est maintenant ouvert. Bonjour et bienvenue dans le poste d'écoute, l'émission qui découvre les nouveautés musicales pour la première fois en même temps que vous. Je m'appelle Mathieu Plante, mais assez parlé de moi, c'est les artistes l'important dans cette émission. Aujourd'hui, on a reçu, entre autres, le nouvel album de 47 qu'on va vous faire entendre un petit peu plus tard, mais on commence en francophone avec un album qui, mais parfois, pourrais-je dire, parfois, j'aime ça entendre ça, parce que c'est bon. Hein? Ça a du sens, hein? C'est la descente du coude. Leur nouvel album s'appelle Coup de foudre. Et à l'instant même, voici Par le pâle dans le poste d'écoute. Au 89.1 FM, c'est fou dans vos oreilles. Terre à terre. En orbite ou bien en temps. confie au silence qui passe. Les mots, tu les mords, tu les sais pour de l'âme. Le tourbillon de la parole, du sage, l'universel reportage. Ça va, ça va, ça va, la vérité en marche. On en fait tout bien en temps. Je suis à l'ordinaire dans l'opprobre. Je roule ma balle dans le talon. La descente du coude avec la pièce Allergie de leur nouvel album Coup de foudre ici dans le poste d'écoute. Juste avant, c'était la pièce Hobbies et on a commencé avec Parle pâle. J'ai absolument adoré la descente du coude. Je savais que j'allais aimer ça parce que j'ai déjà entendu la descente du coude avant, mais je suis très surpris. Je crois que ça va être un album de l'été, ça. Trois ans après l'apparition de L'indécence du coup, la descente du coude revient avec Coup de foudre, album disponible depuis le 6 mai dernier. Coup de foudre regroupe 11 nouvelles chansons accrocheuses et explosives mises en valeur par la réalisation signée Marc-André Baudet de The St. Catharines. C'est un rock pesant qui caractérise ce retour en force pour le quatuor montréalais, dit le document de presse envoyé par l'étiquette qui a produit le disque. Un album plus abouti que le précédent, mais qui conserve la même énergie avec des textes bien envoyés. La pièce Hobbies en écoute sur le MySpace du groupe au myspace.com/la descente du coude, en plus d'être déjà en rotation dans les radios indépendantes, est un bon exemple des mélodies percutantes qu'on retrouve sur Coup de foudre. La descente du coude a vu le jour il y a 5 ans grâce à l'initiative de Simon Leduc et de Pierre-Olivier Graton, deux amis d'enfance. André-Guy Nichols et Normand Desrochers se joignent à eux et en juin 2004, ils frappent déjà fort avec leur maxi Croyez-moi, ça fait mal, qui a gagné le prix du EP de l'année au Mimi 2005, un gala de musique indépendante. Un an plus tard, ils présentaient leur premier album complet, L'indécence du coup. Depuis, ils ont foulé maintes fois les planches des salles de la belle province avant de revenir au combat avec Coup de foudre. La descente du coude marque un tournant dans sa jeune carrière et je cite là présentement « Exit les structures complexes, la formation évite maintenant de s'enfarger dans les fleurs du tapis », a dit le journal Voir. Voilà donc pour le nouvel album de la descente du coude qui s'appelle Coup de foudre. Oui, allez voir ladescenteducoude.com ou encore myspace.com/ladescenteducoude. Si vous voulez en entendre plus, il y a de bonnes chances que ça finisse dans au moins le top 3 du poste d'or, les albums à conseiller selon moi-même d'ici la fin de l'émission. On passe à un autre groupe qui m'intéresse, c'est un groupe canadien qui s'appelle Lights. Leur album est éponyme, mais à l'instant même, on s'en entend dans la pièce Ice. Ça se passe dans le poste d'écoute. On découvre les nouveautés musicales pour la toute première fois, en même temps que vous. Quelle belle mission au 89.1 FM. My mouth is frozen, so I can't even speak. What a disappointment, I had it perfectly. What I was going to bring up suddenly. Yeah. found when you stand near. I know where I am when you are here. My way becomes so clear when you're gone. My arms get cold, and La formation canadienne Lights avec la pièce February Air, précédée de Drive My Soul et de Ice dans le poste d'écoute. On découvre les nouveautés musicales pour la première fois en même temps que vous et c'est toujours un plaisir de le faire. Donc Lights, un groupe de indie pop New Wave de Toronto en Ontario. Ils sont en spectacle le 23 mai à 20h au cabaret du musée Juste pour Rire de Montréal. Cabaret Juste pour Rire, 23 mai à 20h. Lights, myspace.com/lightsnoise, c'est leur site web. Il n'y a pas énormément d'infos là-dedans, mais beaucoup de musique à entendre. Et là, elle parle d'elle au, disons, à la première personne, c'est ça. Mon nom est Lyle, je suis une petite fille à Toronto, j'ai fait de la musique. Ce que vous entendez sort surtout de ma chambre à coucher. Quand j'écris des chansons, je pense à ce que les gens vont ressentir et j'espère que quand ça entrera dans leurs oreilles, ils se sentiront heureux. Hein? C'est bien dit quand même. Quand elle fait de la musique sur scène, ses amis Maury et Adam sont avec elle. Vous pouvez les retrouver dans son MySpace, dans ses amis. Voilà donc pour Lights. Son album est éponyme. J'adore ça. Site web myspace.com/lightsnoise. On retourne aux francophones. Prochaine formation qu'on s'en va entendre, c'est DERF numéro 10, DERF numéro 10, avec le temps des démos underground. Ça a l'air très, très, très underground. CD gravé, papier, carton imprimé. On va l'entendre, la pièce Lo-Fi, et puis j'ai bien hâte d'entendre ça. C'est DERF numéro 10 dans le poste d'écoute. On l'ouvre grand les oreilles au 89.1 FM. La seule vraie, véritable vérité, c'est le temps. We'll be right back. Une autre pièce de Derf numéro 10, juste après la pause, dans le poste d'écoute. Laisse crier le vent, les voûtes à terre, les pierres entourées, ce grand lac. Ce jour jovial, ce soir hypocrite, semble et tremble. Étrange est son sable, écoute son chant, écoute. Oh silence, cher Pierre-Paul, allez viens. Partons au moulin chercher en trop. Il a payé le fief cette année. Hey! Fut une époque où t'en plaît. C'était l'époque des moissons, c'était l'époque des quatre saisons. Autant des blés, autant des blés. C'était l'époque des bûcherons qui attendaient ça tout le long. Autant des blés, autant des blés. Autant comme autant des blés. C'était le sacre du moulin qui tourne et tourne et tourne sans fin. Autant des blés, autant des blés. Et la légende de la meule veut que le tour soit pour le grain. Autant des blés, autant des blés. Autant comme autant des blés. Et j'irai moudre et pousse encore sur les grandes terres du Nord. Autant des fées. Les foins passés au petit matin, nous irons tourner le moulin. Autant des fées. Autant comme autant des fées. Et j'irai moudre le grain à la fin, et j'irai moudre le grain à la fin. Évidemment, on épandait, évidemment, on cultivait autant d'effets. Et feu de cette époque, passé lointaine et enterré, autant d'effets. Autant comme autant d'effets. Et j'irai moudre le grain. J'irai moudre le grain à la fin, à la fin, à la fin. Derf numéro 10 avec leur album Le Temps des Démons, la pièce c'est Le Grain. Fini l'époque des moissons. Le grain est bon cette année. Le grain. Hey. Le bagré! J'ai oublié ma bière, moulée! Ils finissent comme ça chaque tune, hein? Ça te prend par surprise, c'est bon. Le Grain featuring Granger, c'était précédé de la pièce Lo-Fi, ça vient de leur album Le Temps des Démos. C'est leur 10e album, disponible gratuitement sur derf00.com. C'est un style, peut-être pas le mien, mais c'est un style quand même. Le lancement de l'album numéro 10 s'est fait à Crabtree en avril. Durfman fait de la musique comme un fou depuis des années avec de la distorsion. Puis Fred dit que la musique, c'est dans la rue depuis toujours pour donner aux gens, dit leur document de presse 2008. Durf est joué surtout par les radios universitaires depuis 1987. Ce 10e album est un hommage aux démos d'autrefois qui ont forgé l'émergence d'antan, qui furent les Kitchen Squat, les Crosstones, Banlieue, Groovy, les Grims, les Vulgaires, Crass Scum, Noir Pensée.

hate you. And you're great to be around, but sometimes I just can't stand this game, so I walk out. Then I come back through this great revolving door. All for all, what a painful pain. No, it's not love, it's not pain, it's the game that we play. No, it's not love, it's not hate, it's the game that we play. Slow down before it disappears. Gonzalez avec la pièce Theme from In Between de son nouvel album Soft Power. C'était précédé de Slow Down et de Working Together. Gonzalez, gunspiration.com. Il y a de belles photos là-dessus de lui couché sur je sais pas quoi, là, peut-être un piano ou un cercueil ou quelque chose du genre. Habillé en noir, ben, je sais pas, on dirait des draps, la façon qu'il est habillé. C'est spécial, les petits cheveux crêpés. Donc, Gonzalez, Arts and Crafts, l'étiquette, est ravi d'annoncer l'arrivée du compositeur, producteur, musicien, fabuleux danseur et star de nombreuses vidéos d'apprentissage Gonzalez au sein de son écurie d'artistes talentueux. Gonzalez n'est pas étranger à la famille Arts and Crafts, puisqu'il a travaillé avec Feist en tant que producteur et co-auteur sur Let It Die et plus récemment The Reminder, certifié double disque de platine au Canada et en fait l'objet de 5 nominations aux Juno Awards. Né à Toronto, vivant à Paris, Gonzalez s'apprête à sortir son neuvième album, Soft Power, au Canada, le 3 juin. La variété du travail de Gonzalez défie toute classification. Véritable artiste et visionnaire, son art est le fruit du mélange entre son intense passion, son talent de musicien, sa vivacité d'esprit et son sens comique inné. Lors de la signature, Jeffrey Remedios, copropriétaire et président de Arts and Crafts, déclarait, et je cite, « Gonzo a quitté le Canada il y a quelques années à la recherche d'une base pour son art. C'est un honneur d'avoir été choisi pour son retour au Canada. Bienvenue à la maison, Gonzalez. » Gonzalez a quitté Toronto pour Berlin en 1998. Peu après, il s'auto-proclamait président de l'Underground berlinois lors d'une conférence de presse légendaire, dit le document de presse. S'installant à Paris début 2000, il fut sollicité pour remixer et réarranger des morceaux d'artistes prestigieux tels que Daft Punk et Bjork. Gonzalez revient en force avec son 9e album coproduit avec Renaud Le Tang. Gonzalez présente entra d'ailleurs Soft Power à Montréal, présenté au Cabaret La Tulipe hier son lancement. Par contre, ce soir, le 9 mai, il va être à Toronto au Jane Mallet Theater. Ça dit dans sa biographie, dépendant à qui vous le demandez, la question « Qui est Gonzalez ?» élicitera plusieurs réponses. Autre que « Je ne sais pas », il y a rappeur de l'underground berlinois, il y a arrangeur et producteur nominé au Grammy « Workaholic » ou encore « Virtuose du piano mélancolique » et maintenant aussi « Crooner ». Crooner hein? Donc Gonzalez, voilà, c'est son style de musique, c'est assez particulier. Comme style. Gonzalez, gunspiration.com, gunspiration.com, c'est son site et son album s'appelle Soft Power. On change de style complètement pour aller entendre de l'électronique et ça, je sais que c'est bon parce que j'ai déjà entendu du Bittersweet. Leur nouvel album s'appelle Drama et tout de suite, voici Intro Dramatico qui introduira la pièce Get What I Want dans le poste d'écoute au 89.1 FM. à l'UQTR, R, depuis 10 ans. 10 ans. 4-4-89-1. Just a Bittersweet avec la pièce The Bomb, précédée de Come Along With Me, de Get What I Want et l'intro Dramatico au début. Donc Bittersweet, du pop electronica trip-hop de West Hollywood en Californie. Présentement, leur pièce commence à jouer à la télé. Oui, la pièce qui jouait dans Lipstick Jungle sur NBC. Donc ils sont en spectacle un petit peu partout en Turquie, en France. En ce moment, myspace.com/bittersweet tunes. C'est Shayna Halligan et Kieran Shahaney dans ce groupe Bittersweet. Leur nouvel album s'appelle Drama. Si ça vous intéresse, le lien va être sur le www.unechance.com. C'est le site de l'émission www.unechance.com. On va passer tantôt à un artiste local qui s'appelle Lamy, mais avant ça, on va entendre un single de Yoav. On a reçu un album récemment. Très bon album. J'ai bien aimé ça et ça me tente de l'entendre, le remix de la pièce Adore Adore. Ça s'appelle Remix Adore Adore Mud Wheel Mood Mix. Tout de suite dans le poste d'écoute. Oh, 89 FM. Adore, adore, La pièce Door Door de Yoav, le remix Mud Wheel Mood Mix. C'est la fin de la première heure du poste d'écoute, donc on va faire un petit résumé de ce qu'on a entendu dans la première heure. On a commencé avec la descente du coup de l'album et coup de foudre. Ensuite, on a entendu l'album éponyme du groupe canadien Lights. Après ça, c'était Derf numéro 10 avec le temps des démons Underground. On a entendu Gonzalez avec l'album Soft Power, Bittersweet avec Drama. Et ça, c'était Yoav avec le remix de Adore Adore. Dans la deuxième heure du poste d'écoute, on va entendre L'Ami, un artiste trifluvien, ou en tout cas mauricien. Il y a aussi Violet Archers, et puis un nouvel artiste qui s'appelle Pomerlo. En tout cas, moi, je le connais pas. Je vais vous le faire entendre tantôt dans la deuxième heure du poste d'écoute. On découvre les nouveautés musicales pour la première fois en même temps que vous à votre Radio Campus à Trois-Rivières. C'est fou, 89.1 FM. Restez là. Du poste d'écoute, l'émission qui découvre les nouveautés pour la première fois en même temps que vous. Je m'appelle toujours Mathieu Plante. Dans cette deuxième heure, qu'on va donc avoir de la musique variée. On va entendre du Pomerlo, du Violet Archers, mais on commence avec l'artiste L'Ami qui nous envoie son nouveau CD démo. Donc écoutons-le à l'instant. Son album, c'est Une île qui sent bon et voici où sont les mots. Dans le poste d'écoute, on découvre les nouveautés là pour la première fois en même temps que vous. Vous n'avez jamais entendu ça, c'est certain. L'Ami, au 89.1 FM. Le soir et seul au matin, et toi qui passes, nos cœurs se croisent, ce tambour éprouve mon destin. J'ai des gargouilles à l'estomac, mais où sont les ce rythme pour toi, mais où sont les mots, mais où sont les mots. Indifférence, le néant large te surveille de mon coin, mais tu vois clair, tu déjoues le cabotin de sourire malin. S'effondre le paratonnerre quand tu approches, je perds tous mes moyens, je perds la foi maintenant que je t'espère en cette veille de lendemain. Ce rythme pour toi, Faites-moi ça. 89.1 FM. La pièce Les mots du village, précédée de Où sont les mots de son album Une île qui sent bon. Normand Lamy, par contre, nous a pas laissé beaucoup d'informations sur lui. Il nous a écrit une lettre en disant « Voici mon nouveau CD démo. Nous ferons un spectacle de lancement le 23 mai au Charlot à Trois-Rivières. » C'est au centre-ville. Donc, le 23 mai au Charlot. Alors, en espérant que ces fous diffusent ma musique et même fassent un peu de promotion pour mon spectacle et au plaisir de vous voir le 23 mai. Donc, voilà qui est dit. Normand Lamy, l'album s'appelle « Une île qui sent bon ». Et le spectacle, je le rappelle, le 23 mai au Charlot à Trois-Rivières. On passe à de l'anglophone, la formation canadienne The Violet Archers nous envoie leur album Sunshine at Night et tout de suite voici You and I dans le poste d'écoute au 89.fm. C'est fou ça, vraiment malade. We walk this fine line, you and I, for all time. As do all the rest. it's the best that we might find. Eludes as it moves, and we walk as if blind, with our hands at our sides, and our faith as our guide. I'm lost, my hold cannot trust, cannot feel your gentle pull. Come just in time. This is love. This is love. This is love. It's the line I'm speaking of. It's a wound we all feel, a cry for joy and a tear spilled. This is love. This is love. This is love. It's the line I'm speaking of. Thank you. what do you see in this life that makes you feel the need or to transform me? Transporter, what do you see? Un très long mais très excellent bloc avec la formation canadienne de Violet Archers. Leur album s'appelle Sunshine at Night. Ça, c'était la pièce Transporter. C'était précédé de Insecure et de You and I dans l'émission qui donne comme mission d'écouter toutes les nouveautés musicales que s'il faut recevoir pendant la semaine. Donc, c'est le poste d'écoute de Violet Archers, un groupe de pop rock alternatif du Canada. C'est leur tout nouvel album qui s'appelle Sunshine at Night. Donc, deuxième album, oui, pour The Violet Archers, qui ont été acclamés par la critique avec leur album en 2005, leur premier qui s'appelait The End of Part One. Ils sont de retour avec une collection délicate et croustillante de chansons pop engagées, ou engageantes, je crois que c'est ce qu'ils veulent dire. Enfin bon. Donc les Violet Archers sont des vétérans de la scène musicale. Tim Versley a passé 2 décennies en tant que chanteur et multi-instrumentiste, on dit en français je crois, pour le groupe canadien The Rio Statics. Et puis sur l'album Sunshine at Night, il y a aussi la chanteuse et pianiste Ida Nielsen qui a travaillé avec Grand Aunt Ida et Buttless Chaps. Le batteur ou la batteuse Camille Giroux de Sarah Armour. Bassiste Scott Remila de Raising the Fawn et guitariste Yard Sylvester de Wayne Omaha. Voilà donc pour le deuxième album de la formation The Violet Archers. Ça s'appelle Sunshine at Night. Si vous voulez plus d'informations, c'est le TheVioletArchers.com.

escantes, c'est les escantes. Le bonheur complet se retrouve dans l'air à beige. J'achète en gros, tout est si beau. Je dépense mes souffrances quand j'achète, je suis en transe. Yeah. Que toi, que l'on soit pour ou contre, ce qui compte c'est les escomptes. Le bonheur complet se retrouve dans l'air à beige. J'achète en gros, tout est si beau. Je dépense mes souffrances quand j'achète, je suis en transe. Yeah. Oh. Les trois premières pièces du album, du premier album même de Pomerleau, qui s'appelle Casa Voyageur, on vient d'entendre la caisse numéro 2, une chanson sur la surconsommation. Avant ça, c'était L'Arbre Magique, qu'on a commencé avec J'aime pas. Moi, verdict sur Pomerleau, j'aime ça. Ça pourrait être quelque chose qui va marcher dans le futur, ça, Pomerleau. Vous avez entre les mains une primeur, dit le document de presse, car ce premier album en carrière de Pomerleau ne sera sur les tablettes seulement qu'à l'automne 2008. D'ici là, nous souhaitons faire découvrir et connaître l'artiste et sa musique dans notre réseau émergent, c'est-à-dire les stations universitaires. Là, ça, c'est Gang Communication qui dit ça. Les stations étudiantes et les stations communautaires un peu partout au Québec, ainsi que dans les stations du réseau francophone d'Amérique. Nous espérons également le soutien de l'équipe de Radio-Canada. Flashback, Pomerleau s'engage sur la scène musicale en 2002 avec son groupe Opéra Bong. Le groupe parcourt la province de Tadoussac à Montréal, du Saguenay à Québec et se produit sur des scènes importantes. C'est en septembre 2006 que Pomerleau part pour le Maroc, d'où naîtra l'inspiration pour son premier album solo Casa Voyageur. Avec des musiciens de talent et d'expérience, dont Charlie Yapeau, qui travaille avec Jean Leloup, Pomerleau entame son projet de disque. Un an plus tard, à l'automne 2007, il signe texte et musique de Casa Voyageur qui nous transporte vers des horizons lointains pour de nouvelles aventures. L'album est à paraître à l'automne 2008. Son site web, c'est myspace.com/Pomerleau Music, Pomerleau L-O à la fin, et Music écrit en anglais. Donc, son premier album, Pomerleau Casa Voyageur. On passe à de l'anglophone alternatif. On s'en va entendre le nouvel album de Ben Stewart qui s'appelle Social Architecture. Et voici à l'instant même Don't Let Go. Dans le poste d'écoute, on découvre les nouveautés musicales pour la première fois en même temps que vous. Toutes les nouveautés que Sifo a reçues depuis la semaine dernière dans votre radio au 89.fm. You've always got tomorrow. Cry your tears out. Tell me of your sorrows. Hold your hands up for all the hurts you've borrowed. Your loves and fears, your movements haunt me still. You've always got to got tomorrow, 'cause it's been running around your head. It's all running around your head. It's all running around your head. Don't flee the wolves from which you hide. But it'll leave you on the outside. I've been waiting, searching through my sorrows. In love, I fear that your movements haunt me still. 'Cause you've been running around my head. It's all running around my head. It's all running around my head. You're still running. about tomorrow. Cry your tears out and tell me of your sorrows. Hold your hands, all the hurts you've borrowed won't let go. Don't let go. better, sweeter, falling all around. Oh my, the earth looks so much bigger lately. Better spread my wings before I hit the ground. And then float alive, far above the bigger picture. The air is clear and I can hope to see what's round. Oh, my perspective is a mirror pane. Better fly before it turns me upside down. Don't come my way, don't come for nothing. You better wake up, wake up. Don't you ever wonder why it's been years since I've been dressing up for someone. I said wake up, wake up. Is it really a surprise? The clothes don't fit me any better when they're selling 3-4-1 in an effort to make haste. Slow down when everything moves so slowly around here. I'm running like I never have before. The devil's in the detail, and he's banging like the tax man at my door. So slide down the edges of the bigger picture where I can stand to take a look and see what's round. Oh, my perspective is a bitter pain. Better run before it turns me upside down. Come my way, don't come for nothing. You better wake up, wake up. Don't you ever wonder why it's been years since I've been missing for someone. I said wake up, wake up. Is it really a surprise? The clothes don't fit me any better when they're selling 3-4-1 in an effort to make haste. Slow down, cause everything is so lonely without you. But I need a doo-doo. I may need a cure for my life. I need a drug to save and heal my head. You better quit your job. You better burn your house down. You better save your head. You better shut your mouth now. You better save all your children. You better smash your phone down. You better hope that you finish your picture before you draw me in. No, no, no, no, no. She said, wake up, wake up. Don't you ever wonder why it's been years since I've been messing up for someone. I said, wake up, wake up. Is it really a surprise? The clothes don't fit me any better when they're selling 3-4-1 in an effort to make haste. Wake up, wake up. Don't you ever wonder why it's been years since I've been messing up for someone. I said wake up, wake up. Is it really a surprise? The clothes don't fit me any better as if it has a meaning. Ben Stewart avec la pièce Wake Up, Wake Up, précédée de Slow Motion et de Don't Let Go de son nouvel album Social Architecture. C'est de l'acoustique alternative folk. BenStewart.tv ou myspace.com/BenStewartMyspace vient de Brisbane, Queensland, en Australie. Donc Ben Stewart avec Social Architecture, c'est une des nouveautés qu'on a reçues assez fou depuis les 7 derniers jours à votre Radio Campus de Trois-Rivières. C'est notre mission à nous, dans le poste d'écoute, de déballer ces nouveaux CD, de vous les faire entendre pour la première fois, et nous non plus, les avons pas entendus avant, donc c'est ça la particularité de l'émission. On termine la deuxième heure avec un petit peu de reggae. Oui, on s'en va dans le reggae, c'est rare qu'on vole. Alpha Blondie est le nom de l'artiste, Ja Victory est le nom de l'album. C'est un EP, un maxi de seulement 4 pièces. On va écouter les deux premières. On commence avec I Wish You Were Here dans le poste d'écoute au 89.fm. Restez avec nous. Thank you. green field. From a cold steel rail, a smile from a veil. Do you think you can tell? And did I get you to trade your heroes for ghosts? Hot ashes for trees, hot air for a cold breeze, cold comfort for change. And did you exchange a walk on a part in the wall for a lead role in a cage? Je pourrais pas dire que je vous écoute pas, chers auditeurs. Apparemment, c'est pas très bon. Ça, c'est non. Donc, on passera pas à la deuxième pièce. C'était Alpha Blondy avec la pièce I Wish You Were Here, reprise de Pink Floyd. Ça vient de son album Ja Victory, de son maxi. Il vient de la Côte d'Ivoire. Il fait du reggae, ska, French, pop, Alpha Blondy. Si vous voulez plus d'informations, c'est alphablondy.info ou myspace.com/alphablondy. Les liens sont sur lunechance.com, comme toujours. C'est la fin de la deuxième heure du poste d'écoute, l'émission qui découvre les nouveautés pour la première fois en même temps que vous. Petit résumé de cette deuxième heure. On a entendu au début L'Ami avec Une île qui sent bon. Je le spectacle le 23 mai au Charlot. Ensuite, Violet Archers avec Sunshine at Night, Pomerlo, peut-être un futur artiste qu'on va entendre, assez fou, Casa Voyageur, et le nom de l'album, Ben Stewart avec Social Architecture. Et on vient d'entendre Alpha Blondy avec Ja Victory. Dans la troisième et dernière heure, c'est là on va entendre du Portishead, du Aaron Allen and the Small City Saints et du Don Brown Rig. C'est l'avenir dans le poste d'écoute au 89 FM. Restez là! Troisième heure de cette édition du Poste d'écoute, l'émission qui découvre les nouveautés pour la première fois en même temps que vous. Je m'appelle toujours Mathieu Plante. Dans cette troisième heure, des choses qui vont peut-être vous faire plaisir. On commence avec Portishead. Leur nouvel album s'appelle Third. Et tout de suite, voici la pièce Silence au 89.1 FM, la radio campus de Trois-Rivières. Esteja alerta para as regras dos três. O que você dá retornará para você. Essa lição você tem que aprender. Você só ganha o que você merece. Trois premières pièces du nouvel album de Portishead dans le poste d'écoute. Un nouvel album qui s'appelle Third. Et puis, les trois premières pièces s'appelaient Silence Hunter et ça, c'était Nylon Smile. Portishead, un groupe anglais, oui, de Bristol, surtout associé avec le genre trip-hop, même s'ils n'aiment pas tellement cette étiquette-là. Le band a été nommé d'après une petite ville du même nom, Portishead, à 13 km à l'ouest de Bristol, selon Wikipédia. Le groupe s'est formé à Bristol en 91 avec Jeff Barrow, Beth Gibbons et Adrian Hutley. Les membres, selon la version française de Wikipédia, en ce moment sont Beth Gibbons, Jeff Barrow, Adrian Hutley, Dave McDonald et Clive Deamer. Ça dit que leur album Third a été diffusé en direct sur le site last.fm. Ils ont attiré au-dessus de 327 000 aux auditeurs en dessous de 24 heures. Les 11 pièces de leur album Third. Le site d'ailleurs, ls.fm, estime qu'un quart de million de personnes sont venues visiter leur site juste pour écouter les pièces de Portishead. L'album est sorti le 29 avril pour coïncider avec leur apparition au Coachella Valley Music and Arts Festival. Portishead, si vous voulez plus d'informations, allez voir évidemment le portishead.co.uk. C'est leur site web, c'est un groupe anglais, donc .co.uk. Ou passez par le site de l'émission au www.unechance.com. Vous allez retrouver tous les liens de l'émission d'aujourd'hui et des émissions passées et aussi la balade diffusion en MP3 après l'émission. On passe de Portishead à un groupe canadien qui s'appelle Aaron Allen and the Small City Saints. N'est-ce pas un nom long? Leur album s'appelle... Leur album est éponyme. Rattlesnake, c'est le nom de la pièce qu'on s'en va entendre à l'instant même. Dans le poste d'écoute, on découvre les nouveautés pour la première fois en même temps que vous au 89.1 FM. C'est dans vos oreilles. Et vous aimez ça. Oh oui. Spent most of these years alone, leaving it for what I know. Gonna dig myself a deeper hole. I'm a rock that just won't sink. You're the tide washing over me, and I can't stand to watch it go. trying to find my way back. Feeling for one unfamiliar lane, trying to help and I don't understand how to turn this house into a home. I ain't blind but I still can't see, there's a shadow taking over me. Gonna die cold and alone. Trying to find my way back home. Ooh, trying to find my way back myself sometimes. I am not all right. C'est fou, fou, fou. La seule radio musicale depuis 10 ans. 89 ans. Before you walk through my door, all you do is talk. Now I don't wanna hear it anymore. There's only one side to the story, and I'm sorry, baby, you got it wrong. Don't wanna know. Trois pièces qui ouvrent l'album de Aaron Allen and the Small Sea Saints. Dans le poste d'écoute, ça c'est la pièce Go On Girl. C'était de Drinkin' et de Rattlesnake pour commencer ce bloc d'Aaron Allen and the Small Saints. Ça fait presque un an depuis que Aaron Allen, auteur, compositeur, interprète, a publié son premier album éponyme en tant qu'artiste solo. Cette fois-ci, Aaron s'est équipé d'une nouvelle équipe. Hein, de gens qui font plusieurs instruments. Ils les appellent les Small City Saints. Ça a été enregistré en direct sur un plateau au House of Miracles, un studio là. Et puis ça a été masterisé par Noah Mintz du Lacquer Channel. Donc un nouvel album de Aaron Allen. Et puis j'essaie de trouver d'autres informations. J'en ai pas beaucoup devant moi. Mais bon, si vous voulez plus d'informations vous-même, allez les retrouver sur le myspace.com/ Aaron Allen Music. Là-dessus, vous allez pouvoir entendre plusieurs pièces de son nouvel album. Et vous allez apprendre qu'il vient de London, en Ontario. Pas de date au Québec à ce que je vois sur son MySpace. Mais bon, Aaron Allen and the Small City Saints, l'album est éponyme. On s'en va entendre du Don Browning, l'album Wonder Songs. Et puis voici la pièce In It. Hein? C'est comme ça, tu sais. Pas de niaisage ici. Ça. Droite du point A au point B et point C, point D. Des fois on revient au A. Puis là on va au point Z, tu sais. C'est mélangé. C'est un variétas musical. Heave away, haul away yourself for a minute. Don't be afraid of the world if you ain't out there in it. Sometimes the sides they'll side with you, and sometimes you'll sink right in it. Sometimes you lie, oh, people die, it all comes within it. It all comes within it. So heave away, haul away yourself for a minute. Don't be afraid of the world if you ain't out there in it. If you ain't out there in it. Sometimes you can buy a smile, more times you gotta win it. But you don't need to own the world to fit right there in it. So sit right there in it. Take your saddle back into the sunset, relax and soak right in it. It's a bumpy road, you'll win, you lose. So sit yourself down, enjoy it. Sit down and enjoy it. And heave away, haul away yourself for a minute. Don't be afraid of the world if you ain't out there in it. You ain't out there in it. Afraid of the world if you ain't out there in it. Heave away, haul away yourself for a minute. Don't be afraid of the world if you ain't out there in it. You ain't out there in it. and she sang to me. And it's so easy loving her. And she smiled at me. And I want to be kissing her. And I guess that I'm stupid, I really don't care. I wanna be with her, I want to be there. Maybe I'm dreaming. And then please pull the plug. I guess this is it. The thing they call. And I know when she's with me, I'm better by far. Cause she is my moon, oh, she is my star. And I wanna see her tomorrow. See her tonight. And if I can't see her, well, don't show me light. No, don't show me light. And she looked at me, and the room where it disappears. And she spoke to me. My confusion's red, crystal clear. I wanna see her tomorrow. I wanna see her tonight. If I can't see her, well, don't show. No, don't show me light. Yeah. Think I'll take a little picture and put it in my mind, frame it with my heart. For the rest of my time, if I die tomorrow, I'll thank her today for being that girl who showed me the way. You showed me the way. Le nouvel album de Don Brownrigg, Wonder Song, c'était la pièce About Her, précédée de These AM Times et de In It. Très relax, quand même, comme dernière pièce. Très canadien comme musique avant ça. Même chose pour l'autre, avant qu'il y ait un autre artiste canadien, Aaron Allen. Ça fait un petit bloc de musique typiquement canadienne, selon moi. On continue... avant de continuer quand même, il faut parler un petit peu de Don Brown Rig. myspace.com/DonBrownRig, c'est le site web. Spectacle un petit peu partout en Ontario et au Nouveau-Brunswick en ce moment. Je n'ai pas de date au Québec. Et puis, il y a Ben Ross à la batterie, Dan McCormack, Donald McKay, Zach Krause, Jim Bryson, Chris Pope, John Grant et Tanya Davis dans le band de Don Brown Rig. DonBrownRig.com aussi comme autre adresse, j'aurais dit le nom assez souvent. Difficile à appeler quand même, allez voir le unechance.com si vous voulez retrouver le lien plus facilement et entendre d'autres pièces de Don. www.unechance.com. Je disais qu'on continuerait le canadien, c'est vrai, mais on commence aussi un bloc francophone. Voyons, qu'est-ce que je dis là, francophone? Féminin. C'est pas parce que ça commence par F que ça paraît. Un bloc féminin avec tantôt du Monica Frere, mais on commence avec Krista Kucher avec son album The Wedding Singer and The Undertaker. Voici Sad Story Over. Dans le poste d'écoute, on découvre les nouveautés pour la première fois en même temps que vous. His bedroom floor, the autumn window is open. They are marching to frozen. Other than her skin, she was warm, 'cause the boy that lay beside her, his light was burning golden. And he is happiest when things are stable and unchanged, most content with calm and small. Where she is a circus so unusual and strange, and even if she wants to, can't hold on to anything at all. Her star of change, she puts the pen in his hand, leans into him, says, write me a kiss, then write me a kiss again. A path for him and a path for her to this moment builds the overture to a symphony that they're composing on the cold floor. The sound of surprise and delight and falling fill the city. For a girl so lost and saddened, how fast it happened that she gained a sense of being worthy of such beauty as he contains. Frozen. Even then I could make you a deal. Give it all up for something real. None of this late night low light pondering. Anonymity, I'd give it all up for a garden blossoming. Propinquity, nothing's changed. I'll just put you away, then complain. I will make my bed with these dirty sheets and then damn you for not laying with me. Nothing's changed. I'll just push you away, then complain. I will make my bed with these dirty sheets and then breaking wide again. getting further from the point. Less certainty, more doubt. And we're all just walking spirals from the inside out. Getting further from the point. Less certainty. Krista Kutcher avec sa pièce Further From The Point, précédée de Nothing's Changed et de Sad Story Over de son nouvel album Krista Kutcher and the Winning Singer and the Undertaker. Elle vient de Vancouver en Colombie-Britannique, elle fait de l'acoustique folk indie et elle sera en spectacle à Saint-Hyacinthe aux Haricots le 14 juin à 20h aux Haricots. Encore une fois, si vous voulez plus d'informations, c'est myspace.com/KristaKutcher ou encore KristaKutcher.com. Le lien va être sur le site de l'émission ou unechance.com. On va terminer l'émission avec Monica Freire. Son nouvel album s'appelle Nala. Et puis, elle a passé, ça dit, 6 mois au Brésil. 10 perles d'une pop contemporaine audacieuse, trompée dans sa culture d'origine qu'elle nous rapporte de là. Après avoir marié rythmes électro et organiques à travers l'encensé Bayatronica, elle pousse plus loin sa démarche musicale avec Nala, un album qui, pour la Montréalaise d'origine brésilienne, représente un véritable pont entre sa vie actuelle et la terre initiale. Voilà pour elle. On va se quitter avec la pièce titre de l'album. Tout ça pour dire que j'avais autre chose, il me semble, sur Krista Kutcher. C'est son deuxième album qu'on vient d'entendre. Elle est basée à Vancouver. Voilà. Donc, pour ça, c'est la fin de l'émission pour cette semaine. Merci beaucoup d'avoir été là. On a entendu tellement, mais tellement de choses aujourd'hui. Et la troisième heure, ben, je vais faire un petit rappel. Portishead avec Third, Aaron Allen and the Small City Saints. L'album est éponyme. Don Brown Rig avec Wonder Songs et Krista Kutcher avec The Wedding Singer and The Undertaker. Je vous retrouve à la connexion, l'émission d'informatique et de jeux vidéo. Et au palmarès, c'est fou, un condensé de la meilleure musique que c'est fou à vous offrir. Le poste d'écoute est toujours en direct les vendredis matins à 10h. En rediffusion quelques fois pendant la semaine, allez voir le cifou.ca pour les informations. De la part de toute l'équipe fictive, faites attention à vos genoux. Bonne semaine et bonne chance! Eu vou rasgo pelo ar. Lá de lá.